quand il est venu. Oh, tout seul, couché, si couché. Oh, là où il est, vous bâtiez, qui t'a encore fini. Qu'est-ce qui se fait qu'on fatigue?